qui protégerait automatiquement son frère. Mais on n'est pas conscient du mensonge cosmique parce qu'on pense que tout ce qu'on sait, c'est la vérité. J'ai passé ma vie à vous dire de ne pas me croire. Ma vie. Pour protéger l'âme contre ma personne. L'homme, c'est pas un idiot. L'homme a accès à sa propre connaissance. Pas un Bernard Montréal qui a de la connaissance. On est tous des êtres de lumière. Mais différents niveaux, avec différentes colorations, mais on est tous des êtres de lumière. Fait qu'on peut pas se permettre de partir de nous-mêmes puis de développer une conscience évolutionnaire basée sur des principes d'une conscience évolutive. Vous allez faire des erreurs catastrophiques. Vous allez retarder l'évolution de beaucoup de personnes. Vous allez créer beaucoup de souffrance. Le but fondamental de l'évolution, de cette conscience évolutionnaire-là, c'est de libérer l'homme, pas de l'emprisonner dans vos propres carcans. On est absolument ignorant. Pas des farces. Il ne faut pas être intéressé à la connaissance pour commencer à avoir de l'allure. Mais tant qu'on est trop intéressé à la connaissance, on n'a pas d'allure. C'est comme du miel pour une mouche. On devient des mouches à marde, on emmerde tout le monde, on s'en rend pas compte. Question? Pas de question? Oui. Prenez ce gars-là, là. On va prendre, si on prend ce type-là, là. C'est intéressant, ce type-là. Il m'a voulu l'écrire un petit peu. C'est un type très intelligent, très sensible. Il était à l'intérieur extrêmement fragmenté de plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il était très, très fragmenté? Parce qu'il n'était pas capable, d'amener à son mental toutes les forces de son âme, donc toutes les forces spirituelles de sa conscience. Donc, il vivait quoi? Il vivait constamment une lutte puis un combat intérieur. Puis, ce combat intérieur-là a duré des années de temps. Ce que ça l'a fait, ça l'a affaibli son ego ou à un point où il a pensé pendant longtemps de perdre l'esprit. Puis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas perdu l'esprit? Parce qu'il a une tête de cochon. Donc, sa tête de cochon devenait pour lui une valeur. Ça lui a permis de contourner les faiblesses de sa sensibilité. T'as-tu l'allure, ce que je vous dis? Bon. C'est très important de vous protéger. J'essaie de vous faire bénéficier un petit peu de mon expérience occulte. Toute ma vie, j'ai travaillé à unir l'occulte avec le matériel. J'ai l'air normal. J'ai l'air normal. Quand tu me regardes, j'ai l'air d'un gars normal. Pas ici, là, peut-être c'est à la rue, là. Je conduis un char comme tout le monde, puis je porte une cravate. Tout ça, j'ai travaillé constamment à tout rassembler ces forces-là, qui sont en opposition, qui veulent faire éclater là. Fait que je vous donne l'expérience, le bénéfice de mon expérience quand je vous dis protégez votre esprit tout le temps contre votre sensibilité, puis protégez les autres contre votre sensibilité, puis comprenez que la vérité, ça fait partie, c'est un des grands poisons de la vie, la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça la genèse du réel? La genèse du réel, pas la genèse de la vérité. La vibration n'aurait pas été bonne. Allez. Alors, qu'est-ce qui est Faut qu'on apprenne à se protéger. Faut qu'on apprenne à se protéger des hommes. Faut qu'on apprenne à se protéger des plans. Je vais vous dire une chose. C'est une science absolue apprendre à se protéger. Si, même si vous disiez, bon, mais c'est quoi la conscience? Puis c'est quoi la conscience évolutionnaire? C'est quoi tout ça? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi être intelligent? Mais être intelligent, c'est apprendre à se protéger. Dans ce mouvement-là d'apprentissage à se protéger, l'homme devient très conscient, très scient des lois occultes, comme des lois matérielles. Puis le danger de l'homme, c'est que l'homme n'apprend pas à se protéger suffisamment parce que l'homme fait trop confiance à la vie. L'homme fait trop confiance aux lois occultes. L'homme fait trop confiance aux forces occultes. L'homme fait trop confiance à l'homme. Totalement sur vous autres, faut que vous comptiez totalement sur vous-même. Faut pas que l'homme laisse sa conscience être manipulée à aucun niveau. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Ça va durer jusqu'à temps que vous sortiez de votre corps. Ça fait partie de la science occulte, ça. Quand vous parlez avec des entités systémiques, puis que vous êtes capable de réellement là, parler avec eux autres sur un même pied d'égalité par télépathie, là, ils vous le disent que c'est de même que vous devez être. Ils vous le disent que vous devez constamment confronter toute forme d'intelligence à la vôtre pour demeurer toujours indépendant d'esprit. L'homme a besoin d'être indépendant d'esprit. C'est sa seule sécurité. Si j'étais pas indépendant d'esprit, vous seriez obligé de me ramasser en petits morceaux dans un des instituts à Montréal. C'est mon indépendance d'esprit qui est ma force. C'est ça mon Gibraltar. C'est pas ce que les autres peuvent me dire. C'est pas parce que quelqu'un vous parle que vous devez perdre votre identité sur le plan matériel. C'est la même chose sur les plans occultes. C'est pas parce que quelqu'un vous parle que vous devez perdre votre identité. Si vous étiez capable de confronter les forces occultes de la même manière que vous confrontez votre boss au bureau ou les gens que vous connaissez dans le monde, vous seriez parfaitement occulte. Là, vous auriez une conscience réellement occulte. Mais c'est pas ça que vous faites. Aussitôt que vous venez en contact avec des forces occultes, vous perdez l'indépendance d'esprit et l'autonomie de votre esprit que vous exercez en général dans votre société entre les hommes. Apprenez donc à travailler avec les forces occultes comme vous travaillez avec... Vous en prenez pas de marde avec les hommes. Vous vous laissez pas chier par les hommes. Faites-vous donc pas chier par les forces occultes. Et vous allez réaliser à ce moment-là qu'est-ce que c'est une conscience supramentale. C'est ça une conscience supramentale. Il n'y en a pas d'intelligence dans l'univers systémique qui est nécessairement plus intelligente que vous. C'est une illusion. La seule raison que vous croyez que ça existe, c'est parce que vous avez incorporé votre lumière. Vous ne l'avez pas libérée sur le plan moronciel. Vous l'avez incorporée dans la matière, elle a créé une mémoire des cellules, et elle vous a permis de statuer psychologiquement que vous êtes un être planétaire, alors qu'en réalité, vous êtes planétaire et cosmique. Mais pour réaliser, puis pour vous affranchir temporairement du caractère subjectif de votre conscience planétaire, donc de la programmation, donc de la pensée réfléchie, donc de la mémoire de la race. Il faut que vous soyez capable de traiter avec vos intuitions, puis vos communications intérieures, vos petites voix que vous appelez, ou votre communication télépathique, faut que vous soyez capable de traiter avec ça d'une manière intégrale, c'est-à-dire réaliser qu'il n'y a rien au-dessus de vous. Mais rien au-dessus de vous, ça veut dire beaucoup plus que ce que ça veut dire. Il y a des niveaux à ça. Il y a des niveaux. Quand tu dis, quand un être est capable de dire, bon ben, il n'y a rien au-dessus de moi, ça veut dire quoi? En relation avec avec des entités occultes, en relation avec des mondes parallèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune entité qui a le pouvoir de magnétiser votre mental. Quand aucune entité, aucune intelligence a le pouvoir de magnétiser votre mental, ça devient très, très facile ensuite, sur le plan matériel, de ne pas avoir votre mental magnétisé par des hommes. Mais si vous n'êtes pas capable de vous attribuer ce besoin de liberté-là, que votre mental soit pas magnétisable, vous pourrez jamais avoir un mental occulte, parce que techniquement, un mental occulte, éventuellement, ça vient en contact avec des matérialisations. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avoir un mental occulte indépendant, il y a des matérialisations qui ne pourront pas se faire dans votre vie, donc vous ne pourrez pas venir en contact direct, objectif, visuel avec vous-même sur le plan cosmique, donc vous ne pourrez jamais voir votre double. Si vous ne pouvez pas voir votre double, vous n'aurez jamais de conscience moronciel. Puis si vous mourrez, vous allez retourner à l'astral, anyway. Et si vous continuez à vivre dans l'inconscience, bien, vous allez simplement avoir une vie plate. Donc l'homme ne peut pas se permettre de se laisser magnétiser dans le mental. Et où l'homme se laisse magnétiser, c'est quand il se fait prendre en sandwich, entre le vrai puis le faux, puis le bien puis le mal, ou toutes les formes de polarité qui existent, qui créent quoi, ultimement, une forme de crainte. Si vous vivez la moindre des craintes, vous êtes polarisé. Donc, l'évaluation psychologique de votre moi, puis le calme de votre esprit, puis l'abondance de votre lumière, puis la joie de vivre, est en fonction de votre capacité d'arrêter de capituler devant vous-même. Mais capituler devant vous-même, ça veut dire vous abaisser à ce que vous pensez savoir, au lieu de vous présenter en puissance contre tout ce qui tend à vous enlever votre bien-être, donc votre protection. Il y a trop de mots, on est obligé de parler puis écrire des livres, puis des livres, puis des livres pour expliquer les mystères. Mais dans le fond, on devrait être capable de dire à l'homme tout ce que tu as besoin de savoir sur une planète expérimentale, c'est de te protéger contre la vérité, qui est l'envers du mensonge. Puis te protéger contre le mensonge, qui est l'envers de la vérité. Une fois que tu as fait ça, tu n'en as plus de problème en tant qu'être conscient, tu n'as plus de problème psychologique, tu n'as plus de problème de personnalité, tu es en puissance. Si tu veux, à ce moment-là, être créatif, puis amener dans le monde, pour une raison ou une autre, une science qui fait partie de ta lumière, mais qui fait partie de la lumière de tous les hommes, à ce moment-là, c'est très facile. T'as qu'à te prendre une tribune puis parler. Mais pas dire des conneries. Puis pas créer de secte. Puis pas créer un personnage. Puis pas t'élever au-dessus des hommes. Puis pas faire croire aux hommes que t'as la vérité. Mais si vous êtes trop intéressé à la vérité, mais c'est évident que vous allez faire croire aux hommes la vérité. Vous n'avez pas le choix. Parce que déjà, vous allez être contaminé par la vérité. La vérité, ça a été le poison des âges. Il y a eu combien de souffrances au nom de la vérité? C'est une idéologie, la vérité. Que ce soit l'idéologie des religions, que ce soit l'idéologie des gouvernements, c'est une idéologie, c'est une façon de penser, la vérité. Le mal est beaucoup plus identifiable que la vérité. C'est facile de reconnaître le mal, parce que le mal brise, fracture, détruit tout de suite, instantanément. Alors que la vérité t'enrobe, t'englobe, te permet de respirer pendant un certain temps jusqu'au prochain cycle d'évolution où tu t'aperçois que ce qui était vérité dans un temps était dans l'autre un affront à ton intelligence. Bye.